Bonjour à tous et à toutes, c'est Chanson Mania. Enfin non, pas le retour, hein. Juste un petit bout pour vous donner l'idée de ce que c'était à l'époque. Bonjour Christophe. Bonjour Brigitte et bonjour les auditeurs et bon anniversaire Fadjet. Eh oui, Fadjet, 40 ans. Alors, nous avons un invité avec nous, c'est Louison Delhomez. Bonjour Louison. Bonjour. Alors, tu vas commencer par nous chanter une chanson, une de tes chansons. Tu es auteur, compositeur, interprète. C'est ça, oui. Et musicien aussi, puisque tu t'accompagnes à la guitare et à l'harmonica. Alors, on t'écoute et puis on fera connaissance un petit peu avec toi juste après. Merci. Ce carrefour, mon inquiétude, cette venelle pleine d'ombre, latitudes et longitudes, route, chemin, sentier sans nombre, pourquoi ne sommes-nous pas Dieu? Vivant à toute heure, en tout lieu, de près, de loin, partout autour, sont les possibles de l'amour. Et je ne sais où rencontrer ce lieu où nous arrêterons. Les mots tiens, le tien toujours fermé. Nos yeux, les miens, mais avortons. Tu me dis viens, je te dis viens. Le vaste monde est notre bien. Je me sens un peu vautour, sus au possible de l'amour. On en revient comme d'un songe, assise au comptoir des désirs. L'alcool espiègle des mensonges, nous a murmuré de partir. Maintenant la nuit va tomber, nous demeurons en un baiser. Tu es mon troublant carrefour. Quel chemin prendre, oh, oh mon amour. Depuis 40 ans, Fadjet vous donne la parole. Louison Delhomez en direct pour l'anniversaire de Fadjet. À toi Christophe. Alors Louison, si je te dis qu'il y a du blues dans tes compositions, qu'est-ce que tu en dis ? En effet, oui. Enfin, je fais pas des chansons à proprement parler blues, mais il y a clairement des inflexions blues. Je travaille beaucoup avec cette inspiration. Ouais. Oui, surtout dans les accords, dans la façon de construire la mélodie. Oui, c'est ça, exactement. Oui, ouais. Disons que quand je compose une chanson à dominante blues, j'essaye de l'infléchir vers des accords qui ne soient pas trop blues ou qui soient plus lyriques. Et inversement, si j'ai une chanson à dominante, plus populaire, je vais faire en sorte qu'il y ait un peu de blues dedans. Voilà, oui. Sans que ce soit... c'est juste des accents ou des influences. Bien sûr, oui, c'est aussi dans l'atmosphère de ce que tu racontes, de ce que tu amènes. C'est ça, oui. Quelles sont tes influences principalement ? Alors, concernant les textes ou plutôt la musique? Ah, les textes et la musique. Enfin, d'où tu viens musicalement, en fait? Bah, disons que pour la musique, je m'inspire essentiellement des chanteurs folk américains, Bob Dylan, Neil Young. Et puis en France, je me suis beaucoup inspiré de Brassens avant, mais bon, maintenant un petit peu moins. Mais il m'en reste quand même quelques traces de temps en temps. Sinon, un petit peu Thiéphaine aussi pour la musique. Mais pour les textes, là, c'est plus, comme je suis lecteur de poésie, c'est plus les influences de Aragon, d'Apollinaire. Et puis là encore, Brassens aussi, Brel, Léo Ferré, voilà. Donc disons un petit peu plus la génération ancienne, on va dire, mais voilà. Et chanter en français, c'était une évidence pour toi ? Ah oui, complètement, oui. Déjà parce que je maîtrise pas tellement l'anglais. Et puis parce que je suis vraiment un amoureux de ma langue, enfin du français, donc oui. Oui, vraiment, j'aime composer en français, je compose depuis très très longtemps. Donc je composerai toujours en français, et l'anglais ça m'intéresse pas. Enfin, je peux chanter des reprises en anglais de temps en temps, mais sinon je ne vois pas écrire en anglais. Alors maintenant on est à l'époque du tout numérique, est-ce que c'est des outils que tu utilises pour composer ou pour te faire connaître par exemple ? Alors là je suis en train de manipuler, enfin d'essayer de comprendre le fonctionnement de Ableton, qui est un logiciel de mixage, et un ami m'a montré, donc c'est en cours, et à la suite de ça, puisque je me suis acheté le matériel pour, bon c'est pas l'équivalent d'un vrai studio mais c'est mieux que rien. Et l'idée, c'est que je puisse m'enregistrer, enfin me diffuser à travers les réseaux sociaux, notamment SoundCloud ou Spotify. J'ai cette idée-là, oui, dans les prochains mois, oui. Ouais, ouais. Parce que là, pour l'instant, la seule possibilité d'écoute, c'est sur YouTube, puisque j'avais fait un petit concert via Nancy Web TV, mais il y a déjà 2 ans, et bon, voilà, il faudrait que maintenant je puisse faire d'autres enregistrements. Et au niveau des thèmes pour les textes, qu'est-ce qui t'inspire ? À la fois, un petit peu de tout. C'est-à-dire que, alors il y a quand même souvent peut-être le thème un peu flou, mais qui revient quand même de manière diffuse dans mes chansons, de la liberté. D'ailleurs, je fais quasiment pas, enfin même pas du tout de chansons engagées. J'ai pas de. Sinon, c'est pas basé sur l'actualité, par exemple. Pas tellement. C'est plus intemporel, en fait. Ou plus exactement, c'est l'actualité où mon propre vécu peut me donner. Peut nourrir. Peut me donner une base, mm-hmm. mais qu'ensuite je vais élargir. Parce que de la même façon, aucune de mes chansons, enfin sauf une, mais sinon aucune n'est à proprement parler autobiographique. Je raconte pas vraiment ma vie dans mes chansons. C'est plus. Je pars d'un vécu ou je pars mm-hmm. à la rigueur d'une actualité, mais pour. Vraiment pour élargir et essayer de leur donner un propos un petit peu plus universalisant, on va dire. Mais tu ne te sers pas de tes chansons pour envoyer un coup de gueule, par exemple ? Non, pas tellement. Bah, après, il peut y avoir, dans certaines chansons, il peut y avoir un peu d'humour ou, disons, un petit peu de moquerie, parfois, voilà, un petit clin d'œil, un petit peu acéré, mais voilà, ça ne dépasse pas ça. Je me vois pas faire des chansons vraiment engagées politiquement ou non, c'est pas du tout mon registre. Non, t'as pas retenu le côté là de Thiéphaine, en fait. Non, mais Thiéphaine, je crois pas que ce soit une grande inspiration pour lui, enfin l'engagement en tout cas. Il a beaucoup de textes qui sont très poétiques et très bon, quelques-uns peut-être un petit peu, mais bah, disons qu'il parle plus de la société en général, quoi. Oui, oui, oui. Ah bah après, je parle aussi de la société quand même, hein, dans mes chansons, mais je veux dire sans coup de gueule, on va dire. Eh ben, on va t'écouter à nouveau. Donc la deuxième chanson pour laquelle il faut que je prenne un de mes harmonicas. Il s'équipe. Je rappelle qu'il s'appelle Louison de Lomèze. Voilà, l'harmonica est en place et c'est parti. voix entre myrte et cyprès, l'ombre au milieu des bois. Diane, tu es si près, le bain que tu vas prendre aux vapeurs faisant voile, sent bon la coriandre, mon esprit te dévoile. En ton bain, penses-tu que le désir est sens? Entre myrte et cyprès, du désir au néant, Diane, tu es si près, je te sens dans mon sang. Je m'en vais errant. Fadjet, 40 ans de proximité. Oui. Tu te produis toujours seul sur scène ? Non, alors de temps en temps seul, mais assez rarement. Disons que la plupart du temps, c'est avec mon groupe, Les Fougères, avec qui j'ai dernièrement joué à Remiremont dans une librairie qui s'appelle Lire et Écrire. Et puis, on, voilà, de temps en temps, on joue. On a joué au Théâtre de la Foucotte aussi. Bon, on ne joue pas très très souvent. On est un petit peu en recherche de date. Mais voilà, c'est... Bah, l'appel est lancé. Hein. Où est-ce qu'on peut te joindre pour te proposer des dates? Soit par mon adresse mail ou alors par directement sur mon numéro de téléphone que je peux communiquer. Bah, on va le communiquer à Fadjet et puis ils passeront par Fadjet pour avoir sur le site de Fadjet. Voilà. Parce qu'on n'a pas de site disons dédié aux fougères pour l'instant. Allez, on t'écoute dans une nouvelle chanson. Oui. Louison de Lomez. changer sommeil en d'autres mondes et merveilles. La route est longue, longs les paysages, usine platane, champ de blé. Nous ne sommes pas en voyage, nous n'allons nulle part, nous ne faisons que passer. Avoir la vitre ouverte, aller doucement et deviner la vie déserte qui s'étend, la ville soudain et la nuit qui tombe. Et nous sommes toujours avec Louison Delhommes qui change d'harmonica. Je n'oublie pas de dire que Valentin est à la technique. Merci oui, Valentin. Avec grand plaisir. Souvent, quand je découvre un nouvel artiste, il y a des associations qui me viennent. Si je te dis Bilderheim, par exemple. Alors non, ça ne me vient pas à l'esprit, là. C'est... Il n'était pas né à l'époque. Non, dans la façon de nonchalante, un peu, de la c'est une sorte de chronique, ta chanson, là. Oui, bah, faudra que je découvre, oui. Ou Paul Persson, par exemple. Aussi. Ah, Paul Persson, oui, un petit peu, oui, oui. Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup ce qu'il fait aussi. Ouais, ouais. Côté balade blues, harmonica ouais. Également. Oui, oui, ouais. Tout à fait, oui. Ouais, ouais. Bah, qui a d'ailleurs collaboré un petit peu avec Thiéfaine. Ils ont fait un album. Ils ont fait un album qui est superbe. Ouais. Bah, on va écouter une dernière chanson parce que la demi-heure tourne. Celle-ci s'appelle Une montagne. Ciel immense, les nuages, on monte, monte, mais il faut beaucoup d'efforts et de courage. Chemin d'ombre, roche nue, vent au vent, je continue, je vais devant. Une, deux, une, deux, j'ai chaud, une, deux, allons. Allons là-haut. Allons mes frères qui vivaient depuis toujours mus par l'espoir. Pourquoi ne pas y arriver? Marchons ensemble jusqu'au soir. Une légende dit que sur la crête tout est plus beau, le temps s'arrête. Et que les douleurs passent, et que la mort trépasse, la mort se gravit peu à peu, si lentement, je voudrais que tu sois heureux, mon frère d'ascension, et quand tu courbes le dos, que tes jambes tremblent quand je nous vois marcher ensemble. Alors, mon cœur se serre. Alors, mais quel est ce mystère? Quel est ce mystère qui nous guide vers on ne sait quel inconnu? J'admire tes naissantes rides, ô mon amour, ô combien nu. Je te sais faible et je t'étreins plus fort. Tu es si belle et moi encore. Je serre à te briser. Je serre pour mieux. Je suis le commun des mortels. J'exulte, je souffre, je vis, je meurs. En moi se mêlent ombre et lumière. J'ai tous les défauts, mais la force d'aller là-haut. Montant, vois-tu ce cœur? Montant, ce cœur. Ce cœur vainqueur, ce sont des mots, peut-on me dire? Et tes images ne valent rien. Quant aux infos, c'est le réel et ses ravages. Le feu, les cris, la nuit, les mauvais songes. Le mal qui ronge. Je veux chanter l'humanité, je veux chanter, oh yeah. se pis-aller. Fadjet à Nancy et en Lorraine depuis 40 ans. Bon, bah, puisque tu es en train d'acquérir du matériel, j'imagine que tu n'as pas encore d'enregistrement. Non, mais ça va venir. Là, vraiment, ça va venir. Oui, oui, parce que j'ai tout acheté. Bon, là, il faut que je maîtrise un peu mieux voilà, le logiciel de mixage. Et puis, dans les prochains mois, j'espère pouvoir mettre mes quelques chansons sur les réseaux. Et pour te produire, alors tu as un répertoire de combien de chansons à peu près ? Ah ben là, je pense que je commencerai par en proposer, disons, 12 ou 13. Bon, mais sinon, là, j'en ai une trentaine, à peu près une trentaine pour l'instant. Mais j'en choisirai une douzaine, pour faire l'équivalent d'un CD. Quoi. Mmh. Christophe, une dernière question. Et il y a des rendez-vous sur scène à venir ? Là, non. Alors peut-être au Théâtre de la Foucotte, puisqu'on devait jouer au mois de novembre et puis que ça a été reporté. Mais pour l'instant, on attend encore un petit peu, puisque il faut que je voie avec le responsable. Très bien. Très bien. Et probablement, en fait, de la musique aussi. Oui, voilà. Oui. Où on avait joué, d'ailleurs, au Théâtre de la Foucotte, justement, la dernière fois. Avec mon groupe. D'accord, ben voilà, il est presque l'heure, donc on va se quitter. Merci Louison de Lomez. Merci. Merci Christophe, merci Valentin. Avec plaisir. Merci Brigitte. Il n'y a pas de quoi. Et à bientôt pour les 80 ans.